Tu crois pas? Ça fait 20 ans que je suis dans le rap et je mérite un trophée. Quand je vois que ça fait que du duo dans l'Europe, j'aurais pu finir dans le bloc. À dire que quand les gens me voient, ils bloquent, ils pleurent comme si j'étais une star du rock. Je mets des buts, je suis pas bon qu'à donner des passes D. Elle veut mon humain dans Mercedes-Benz classe B. Je suis plaqué de A, je suis plaqué de B. Attends, je tire deux barres et le monde je le refais. Train de luxueux, piste, tu sors un BM9. Toujours pensé bis, Dimitrius dans BMF. Tic tac, je leur fais une tiki taka. Je fais pas de petites étoffes et je suis pas sur TikTok. Toc, toc, nique la bague qui toque. 9 ans que tu lâches, je sais qu'il choque un chacal. Il me blesse pas, je te prends un coup de manchaku. Moi je dis juste que je vois, je suis pas comme tu, comme Shakur. Moi il fait paranoïer, dur de revenir à la raison. Tout le monde veut la coupe, mais faudrait ramener le fric à la maison. Hein, merci à ceux qui me font mes petites missions. Est-ce qu'ils m'ont pas lâché, j'en ai le poil droit comme un hérisson. Et ta mère, écoute là, je te jure, sois obéissant. Tous les jours tu diras qu'elle avait raison en vieillissant. Laissez-moi finir ma vie avec ma mif, vivre comme un paysan. Je grandis avec pas un sou dans ce pays sombre. Et oui, monsieur le président. J'ai grandi dans la rue, j'ai fait des sous dans le rap. Et maintenant je suis résident, monsieur le président. Je pense qu'il faudrait revoir les bails. Le peuple ne sait même plus sur quel pays il danse. À la fuite, elle a tout mis dans la foufoune. On sait que t'es intelligent, mon pote, nous fais pas le foufou. Le stud, le taf, le sens, tout pour la fafa. Je vois mes potes avec ma mif, je suis à Call of à FIFA. J'aime pas les subers et les petits suceurs. Ils font style sont avec toi, en fait ils sont dans le viseur. Moi, l'équipe, solo mais je m'équipe. Et moi, au fait, je mets pas mes caisses dans mes clips. Toujours sur mes gardes, je monte jamais où j'habite. J'suis en galère, t'y recherches, tu le sais que je t'abrite. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait avec tout ce que j'ai vécu. J'ai pas eu le temps de me reposer, j'ai dosé. J'ai couru partout comme un MOC. J'ai fait des nuits blanches en avoir des nausées, défoncé. Rabattu même plus qui m'a déposé. Je déconseille aux gens de mélanger la beuh et le rosé. Les brothers, ils filment du frozen au stade, ils crient aux armes. Je défends l'équipe comme Mozart, je fais de l'art comme Mozart. Hein, tout pour la causa, tout pour la Mozart. Heureusement que j'ai le rap, sinon j'aurais dû blanchir comme dans Ozark. Hein, je refais la misère, là je suis dans les airs. J'ai vu sur le zoo, vu sur la mer, vu sur la mer, la compte de ta mère. On m'a dit que ça écoutait mon sang aux barrières. Je passe un blanc à mon pote, il joue pour moi au casino barrière. Sache que demain, si je veux, j'arrête ma carrière. Tu te rappelles quand ça riait, des pés sur la bannière. Donne-moi un peu de beluga ou pour oublier un peu de boule, des fois je sonne le peruca. Et ça fait bao, ça fait bao. Tu veux ma vie, mes scores, il faudra me mettre KO. Je suis dans la panique, je fais des photos à Saint-Louis. Là je fume la chérie, celle de Sergio Saint-Loup. Ici à Marseille, ceux qui portent les douilles. Et qu'est-ce que peut faire un mouton face à Saint-Loup? Un ovni sur la planète, le bangué et la canette. Ici ça lève le Vespa avec le troisième sur la chalette. Cha, cha, cha, chale-moi. Tu plein d'appel-moi, gros, tu plein de chale-moi. Ouais, Kalenji, salue-moi, salue-moi. Quand je te vois, je te salue, moi. Et tu fais la salope, tu me demandes des services comme un sale môme. Buteur comme Salamo, les amis, ça sent la mouise. Rien pour eux, ils disent plus LM, pour ça que je suis bien seulement. Je fais un tour de BM, il me contrôle la PM. Mis sur le bas-côté, elle fait chauffer la sirène. Rigole pas, j'aurais pu taffer sur Uber Eats. J'aurais pu naître à côté du périph. J'aurais pu braquer une superette, mais finalement, je fais pour faire des super hits. Et ça fait pop, pop, pop, pop. Madame Madré est de retour, je renais au mauvais temps. Là où j'avais les dents, je les fais sauter. Nature discret, on voit juste à l'écran. Ils veulent juste que m'éteigne, mais la team Joule, elle s'étend. C'est dingue, j'ai réussi sans faire le mac ou sans sortir le flingue. Ils dégustent tous leur vie, moi j'ai pas encore fait la brinque. C'est malheureux quand j'arrive, ils me voient tous en brinque. Je suis autant parano que toi si tu veux faire le lynx. Poto, il faut choisir, c'est le rap ou le banks. Moi j'ai la mentale, pourtant j'suis pas grandi dans le Bronx. J'passe, tu sais pas si c'est un bolide ou un avion de chasse. Désolé, je suis avec la mif là, alors je trace. Moi je suis pas dans les stupides, alors l'actrice. Classe, classe. C'est pour les fils de jaloux qui me font des coups de crasse. Et j'en connais qui feraient tout pour me prendre un bout de place. Lacrymo dans les manifs, ça se prend à coups de casse. Qu'ils aimeraient nous diviser avec le vaccin ou le passe. Quand ça vend d'apparaître dans le bloc, ça met la puce car. Devant la cage, je suis habile, j'ai la frappe à puce casse. Donc poto n'abuse pas. Donc poto n'accuse pas. On vit dans un monde de bâtardo. Tout le monde veut passer de la Clio au gaillardo. Prête un couteau pour t'aider avec une poignarde. Arrête de faire le bizarre, dis-moi y'a quoi bro. Et dans le game plus je les fuck plus je les obsède. Mais moi je m'en branle d'être une star comme Takeoff ou Offset. Des calouches col sec, gamberge au concept. Je veux pas me retrouver à aller pleurer un pote aux obsèques. DP reste anti-focus, anti-montec. Tu es un chien, attends je t'offre une antique. Ici c'est cruel, ça vient de faire en tenue du psych. Et cette année c'est tout dans la gorge comme speak. Et me dis tu fais quoi dans la vie, I don't speak. Quand je me fais brancher avec Tikita ça se complique. Il me contrôle, me demande la photo. Je repars avec mon pochon, je peux pas dire que c'est des comptes flics.